Kenedza. Bonjour et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Les toitures de quatre salles de classe ont été emportées par des pluies mêlées de vents violents l'après-midi de ce lundi à l'école fondamentale de Choga 1 en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Conséquence, plus de 65% des élèves n'ont pas de salle de classe. Évariste Nzikobanyanga s'est rendu sur les lieux à suivre son reportage. Certains habitants des provinces Cibitoke et Kayanza déplorent la persistance de la fraude perpétrée par certains commerçants en complicité avec certains agents de l'Office burundais des recettes OBR. Vous entendrez ceux qui considèrent cela comme une entrave au développement du pays. Et puis, toute personne devrait éviter tout acte pouvant nuire sa santé mentale ou celle des autres. Appel de l'assistant du ministère en charge de la santé. Ce mardi, à l'occasion des cérémonies marquant la Journée mondiale de la santé mentale, normalement célébrée le 10 octobre. Voilà pour le sommaire. Albert Ndouayo assure la mise en onde. La radio de l'avenir. Nous débutons cette édition par la page justice. Une peine de 20 ans de prison ferme, telle est la sanction prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza à l'endroit d'un jeune de la colline Girengeye en commune et province Kayanza, accusé d'homicide volontaire. Dans un procès de flagrance de ce lundi, il a été accusé d'avoir tué son frère en le poignardant à l'aide d'un caillou la nuit du 17 octobre et le prévenu a plaidé coupable. Les détails avec Patrick Nsengiyumva. Selon des informations en provenance de la colline Girengeye et confirmées par Silas Niyonzima, chef de zone Kabuye, le terre de ce meurtre affichait un mauvais comportement dans la communauté et passait aussi beaucoup de jours dans la ville de Kayanza sans qu'il y ait une occupation connue. D'après les mêmes informations, ce jeune de 21 ans est rentré à la maison le 17 du mois courant et a trouvé la banane qu'il avait vendue coupée par son petit frère. L'après-midi du 17, Silas Niyonzima a indiqué que ses deux frères se sont échangés des injures à cause de ce régime de banane. Ce lundi, à l'occasion d'un procès de flagrance, le terre du crime a plaidé coupable, acceptant que c'est lui qui a tué son frère en lui jetant une pierre au niveau de la tête, mais qu'il l'a fait suite à la colère qui rongeait son cœur en n'ayant pas l'intention de commettre le fratricide. L'officier du ministère public à Kayanza l'a accusé d'homicide volontaire de son frère et a demandé au tribunal de grande instance de Kayanza de le punir par une peine carcérale à perpétuité. Après la mise en délibéré du procès, le tribunal de grande instance de Kayanza a indiqué que les accusations de l'officier du ministère public en cette province sont fondées en toute partie et a pu ni l'accusé par 20 ans de prison ferme. La semaine passée, un autre cas similaire s'est produit à la colline Mugera en commune Kabarole, où un homme de 30 ans a infligé à son père des coups de machette au niveau du cou et a été puni par une peine d'emprisonnement de 15 ans. La victime a succombé à ses blessures après quelques jours quand il subissait des soins médicaux à l'hôpital Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Quatre personnes ont été condamnées par le tribunal de grande instance de Makamba ce lundi pour atteinte à l'économie nationale. La première a été infligée à 2 ans de prison ferme, accusée de fraude de marchandises. Deux autres ont été condamnées à 1 année de servitude pénale, l'une accusée d'échange illégal de monnaie et l'autre de fraude des fertilisants. La dernière a été condamnée à une peine carcérale de 6 mois pour importation frauduleuse de la farine. Une peine carcérale de 5 ans et une amende de 1 million de francs burundais. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza contre un homme originaire de la colline Mugoyi, en commune Kabarole de la province Kayanza, accusé d'atteinte à l'économie nationale. C'était dans un procès de flagrance de ce lundi. Et le prévenu a été attrapé en flagrant délit avec à peu près 100 kg de petits pois quand il voulait aller les commercialiser frauduleusement au Rwanda voisin. Le même fraudeur avait été attrapé dans cette pratique au mois de mai cette année en cours, en transit vers le Rwanda avec du café perche et avait écopé d'une peine d'amende de 500 000 francs burundais. Certains habitants des provinces Cibitoke et Kayanza confirment la persistance de fraudes perpétrées par certains commerçants en complicité avec certains agents de l'Office burundais des recettes OBR, comme l'a récemment révélé le président de la République du Burundi. Ceux qui se sont exprimés au micro de nos correspondants ce mardi qualifient ces fraudeurs de malfaiteurs car, disent ces habitants, ne permettent pas le développement du pays. Ils demandent que ces personnes soient arrêtées en situation de fraude, soient arrêtées et soient sévèrement sanctionnées. Suivez-les. La fraude existe. On ne peut pas le nier. La révélation du président de la République sur l'implication de certains agents de l'OBR dans la fraude est motivée par l'arrestation en flagrant délit de certains des cadres de cet organe, suivie des comparutions de ces derniers accusés de fraude. Aucun agent de l'OBR ne peut pas ainsi être surpris en flagrance sans que le président de la République ne le sache. C'est une réalité. Ainsi donc, nous apprenons que beaucoup de personnes sont en prison ou en cours d'instruction pour avoir pratiqué la fraude. En tant que commerçant, je prendrai ces fraudeurs d'ennemis de la nation et ne permettent pas que le pays se développe, car tout dépend des bénéfices que nous réalisons. Un commerçant qui dédouane légalement ses produits importés ne peut pas écouler ses marchandises au même titre que le fraudeur qui a tendance à vendre ses articles à bas prix. Dans ce cas, le vendeur de bonne foi travaillerait à perte, ce qui limiterait la régularisation des taxes et impôts. Chez nous à Kayanza, la fraude est monnaie courante car elle est toujours signalée ici et là. Les pratiquants sous-estimeraient la valeur de la monnaie burundaise. S'ils se rendent au Rwanda, par exemple, ils disent qu'ils gagnent doublement. Il s'agit d'un vol car ils ne payent pas de taxes et le pays ne gagne rien de leurs activités commerciales. Je demanderai au président de la République d'organiser des séances de moralisation à l'endroit de toute la population pour décourager la fraude car beaucoup de personnes se retrouvent dans ces pratiques sans toutefois savoir qu'elles sont illégales. La province de Kayanza est rangée parmi les premières provinces dans lesquelles la fraude est une réalité. La fraude est une mauvaise pratique qui freine le rythme du développement par le non-paiement des taxes. Pour mettre fin à la fraude, il faut valoriser la monnaie locale au même niveau que celle des pays voisins de la région. Comme ça, les marchandises connaîtront les mêmes prix. Je demanderais que les personnes attrapées en flagrant délit en situation de fraude soient sévèrement punies pour décourager d'autres en vue du développement intégral du pays. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons avec cette édition. Je vous l'avais dit dans les titres, plus de 65% des élèves de l'école fondamentale de Choga 1, qui compte plus de 700 écoliers, nous sommes en zone Muira de la commune Kanyosha en province de Bujumbura, n'ont pas de salle de classe depuis l'après-midi de ce lundi. Cela fait suite aux pluies mêlées de vents violents qui ont emporté les toitures de 4 salles de classe selon la maîtresse responsable, que ce soit les parents d'élèves, les enseignants ainsi que le chef collinaire de Choga, tous demandent une assistance d'urgence pour que les écoliers puissent reprendre les cours. Les détails dans ce reportage d'Evariste Nzikobanya. Ces écoliers ne chantent pas parce qu'ils sont contents, ils sont désœuvrés suite au manque de classe, car les toitures de ces dernières ont été emportées ce lundi par des pluies diluviennes mêlées de vents violents, témoigne Emeline Nijibariko, maîtresse responsable à l'Ecofo Choga 1. Des pluies diluviennes mêlées de vents violents se sont abattues sur cette localité et ont emporté les toitures des classes. C'est pourquoi vous avez trouvé les élèves dehors en train de jouer. Ils n'ont pas où étudier. 3 élèves ont été blessés au cours de cet incident. Les parents des enfants de l'Ecofo Choga 1 indiquent que les leurs sont rentrés mains vides, car leurs manuels scolaires ont été endommagés. Ils tirent la sonnette d'alarme aux bienfaiteurs de venir en aide à ces éduqués. Nous demandons au gouvernement de venir en aide à ces enfants pour qu'ils reprennent les cours. Le matériel didactique des enseignants a aussi été endommagé. Il faut vraiment nous venir en aide car nous sommes dans la tristesse. Nous lançons également un appel vibrant à l'endroit des natifs. Ce n'est pas seulement les Kofochogaïens touchés par les intempéries de ce lundi, mais le Kofochoga 2 a été touché, mais légèrement, selon le directeur de la dite école. Pascal Dimurukundo demande la réhabilitation de ces écoles qui, les bâtiments, datent de plusieurs années. Comme vous le remarquez, c'est une école très vieille, dont les enceintes durent très longtemps, peut-être depuis 97. Alors, on déplore que si bien la tempête provienne, risque d'emporter tout. C'est une école très vieille qui mérite d'être reconstruite. Le chef de Corine Tchouga, Ndaïsenga Dieudonné, lance lui aussi un appel vibrant à l'administration, au gouvernement ainsi qu'aux natifs de Tchouga de venir en aide à ces victimes des intempéries pour qu'ils puissent reprendre les cours. Nous ne voyons pas l'avenir de ces enfants si la situation reste ainsi. Si l'on procède par alternance, le résultat ne sera pas satisfaisant. Nous demandons aux bienfaiteurs et au gouvernement de nous appuyer dans les plus brefs délais. Ces intempéries ont également emporté les toitures de la cuisine d'une cantine scolaire, celle de deux blocs sanitaires, ainsi que celle de plusieurs maisons d'habitation voisines des Ekofo Tchouga 1 et Tchouga 2. Évariste Nzikobanyanga, le manque de matériel scolaire et la difficulté liée à la langue d'enseignement entravent l'apprentissage des élèves issus des familles rapatriées en commune Gasogwe, Muyinga et Gitaranyi de la province Muyinga. L'administration annonce qu'elle assiste ces ménages comme toute famille démunie, tandis que la direction provinciale de l'éducation déclare procéder à l'adaptation du niveau des élèves au programme Oda Ndayishimiye. Les enfants rapatriés des familles de la province Muyinga dans les communes Gasogwe, Muyinga et Gitaranyi rencontrent des problèmes liés à l'accès aux fournitures scolaires, comme le dit Salimani Jenahagira, un des parents habitant en commune Muyinga. Nous avons rencontré des problèmes de manque de cahiers et des uniformes à cause de la pauvreté. Le secrétaire exécutif permanent de la commune Muyinga, Baden Djumane, fait savoir que la commune assiste souvent ses élèves rapatriés afin qu'ils puissent bien étudier. Bon, ces enfants sont identifiés sur les collines où ils vivent. Des fois, la commune ou les partenaires au développement de la commune, quand c'est au début de l'année scolaire, on essaie de donner des kits scolaires à des vulnérables. Alors, ces enfants-là sont identifiés avec les autres au niveau collinaire et à ce moment-là, ils bénéficient des kits scolaires pour pouvoir continuer les études. Si ce sont des élèves qui ont déjà dépassé le cycle fondamental, qui sont au poste fondamental, une fois qu'ils sont identifiés, la commune Muyinga essaie de payer le minerval pour ces enfants. Parmi les autres besoins de ces enfants rapatriés se trouve l'accès aux papiers d'identité, comme les extraits d'actes de naissance, afin de pouvoir accéder à l'inscription à l'école primaire. Sur ce, l'administration affirme les octroyer aux parents qui en font la demande. Missa Goblaise Pascal, directeur provincial de l'éducation en province Muyinga, annonce en outre que les élèves rapatriés sont traités aux mêmes enseignes que les autres, mais qu'ils rencontrent souvent des problèmes liés à la langue d'enseignement. À Muyinga, nous accueillons les élèves rapatriés qui rentrent avec leurs parents en provenance des pays limitrophes. Nous observons que ces enfants accusent surtout un problème en ce qui concerne la langue d'apprentissage. Surtout que ici au Burundi, tous les cours sont enseignés en français. Il y a des enfants qui rentrent au pays, mais qui ont suivi les cursus, surtout dans d'autres langues comme en anglais ou en portugais. Donc nous observons que ces enfants éprouvent surtout des difficultés en ce qui concerne la langue d'apprentissage quand ils arrivent au Burundi. Selon le rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés du 2 novembre 2022, 204 301 personnes sont rentrées au pays. Parmi ceux-ci, 56% étaient des enfants. Entre 2021 et 2022, 5111 enfants ont été scolarisés, 2551 étaient des garçons et 2560 des filles. Oda Ndayishimiye, en droit de l'homme, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle les instances judiciaires à couper court avec toute pratique de détention sans dossier. Le président de la CNIDH s'appuie sur le cas de près de 400 personnes qui étaient détenues au commissariat de la mairie de Bujumbura, ex-BCR, en date du 19 septembre cette année. La plupart sans dossier, dans un cachot de capacité d'accueil ne dépassant pas 46 personnes. Docteur Six Vignini Muraba déplore la persistance de telles pratiques, que cela ternit l'image du pays. Il se réjouit toutefois que les instances ont directement entendu la recommandation de la CNIDH pour le cas récent de l'ex-BCR. En santé, toute personne est appelée à se priver de tout acte pouvant compromettre sa santé mentale ou celle des autres. Cet appel est du docteur Isidore Nihariliswa, assistant du ministre ayant la santé dans ses attributions ce 31 octobre lors de la célébration au Burundi de la Journée mondiale de la santé mentale, normalement célébrée le 10 octobre. Son médecin conseille à tout malade de se confier aux structures de soins et non aux sorciers et dans des cellules de prière. Une information que nous devons à notre confrère Jean-Pierre Misago. Et au sport, 27 joueurs sont convoqués par le sélectionneur national pour les préparatifs de deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde prévues au Mexique et au Canada en date en 2026. Parmi ces derniers, sept dont Fiston Abdulazak ne s'était pas présenté pour le match passé entre le Burundi et le Cameroun. À la question liée au staff de cette sélection qui a connu des départs, Étienne Ndayiragije indique que c'est bien lui qui nomme son staff et qu'il n'y a pas d'entrave à son niveau. Au cours d'une conférence de presse de ce mardi, il rassure les amateurs du ballon rond que sa sélection se concentrera sur ses matchs contre la Gambie et le Gabon programmés le 16 et 19 novembre cette année. Radio Isanganiro, chronique santé. Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble dans lequel un individu se manifeste par une survalorisation de ses capacités et par un manque d'empathie. Il résulte d'un manque d'affection ou d'un sentiment d'isolement, selon le psychologue et clinicien Pacifique Ndouimane. Ce dernier indique que la personne atteinte ne peut pas supporter le bonheur d'autrui. Francine Diokougaï. Un narcissique est une personne qui se sent supérieur et qui prend surtout plaisir à faire souffrir l'autre sans empathie. Le trouble narcissique se manifeste également par un besoin d'être admiré, selon Pacifique Ndouimana, psychologue clinicien. C'est une personne présentant des perturbations mentales qui la pousse à faire du mal consciemment et à manipuler les personnes qui l'entourent et sans ressentir aucune empathie, car toutes ces personnes qui l'entourent sont vues comme des objets à détruire moralement à ses yeux. C'est une personne pathologique qui a un vide affectif. Pour ne pas tomber à cet état dépressif, cette personne narcissique va développer des mécanismes de défense qui sont souvent malsains, c'est-à-dire il va culpabiliser par l'identification projective de ce que cette personne est elle-même. Les causes exactes de ce trouble sont peu connues. Mais la maltraitance émotionnelle sévère durant l'enfance et l'absence de soutien de la part de l'entourage peuvent être admises comme pouvant être à son origine. Les causes sont souvent une carence affective et émotionnelle forte, causée par les parents qui sont distants, par exemple, les parents maltraitants, les parents qui négligent les enfants ou qui abusent. Donc, qui ont un attachement désorienté ou désorganisé, des enfants qui sont déstabilisés dans leur enfance ou stressés par son entourage ou ses parents. C'est un comportement majoritairement créé surtout dans l'enfance. Et il y a aussi un manque de limites imposées à l'enfant par l'autorité parentale, par exemple la surprotection. Aussi, une autre cause, ce sont des parents qui ont subi ce trouble de personnalité narcissique. Donc, ils vont mettre en valeur les qualités narcissiques, c'est-à-dire, par exemple, les parents qui sont arrogants, qui ont des rages au vide de ses enfants, ou des parents qui sont capricieux. Et il y a aussi des enfants qui sont dévalorisés ou repoussés. Tu es gâté parce que tu es né garçon, par exemple. Les autres ne sont pas des enfants. Très souvent, le narcissique monopolise des conversations et veut toujours exagérer dans tout ce qu'il dit ou fait. Il exagère ses réussites, pour se valoriser. Il va se vanter de ses compétences et qualités. Il va dire qu'il a fait ceci, mais qui n'est pas vrai. Et c'est une personne qui aime le conflit parce qu'il lui permet de violenter l'autre psychologiquement, de manière à affaiblir sa personnalité et à justifier ensuite ses abus. Et ce sont des personnes qui renvoient la faute aux autres. C'est-à-dire, il va culpabiliser, il va toujours dévaloriser avec un langage blessant. Il est aussi très critique vis-à-vis du monde de son entourage. C'est une personne qui ment, qui donne des messages qui sont brouillés justement pour rendre confus les victimes. Il met souvent la condition de dispute. C'est une personne qui se positionne systématiquement au centre de l'attention. Pacifique Ndouimana explique que le traitement de la personnalité narcissique peut être difficile car les personnes atteintes ont souvent du mal à reconnaître la nécessité de changer. On y reviendra dans notre prochaine chronique santé. Francine Ndehokubgayo, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Alain Désiré, Boukéneza.